Jingle bell, fouille de la station. Joyeux Noël, Jean-Pierre. Merci, Richie. Joyeux Noël. Ah, je suis très heureux de vous retrouver. Moi aussi, ça fait si longtemps. Ça fait une éternité. Bah, c'est parce que on l'a déjà dit, mais on se voit pas entre les émissions. C'est vrai, on l'a déjà précisé. Ouais. Et ouais, c'est vrai, heureusement. Ça. Et c'est un plaisir de vous revoir, du coup. Peut-être mieux. Oui, c'est vrai, j'avoue. Non, vraiment, c'est... Vous allez bien ? Bah, ça va très bien, l'émission commence, on a eu quelques petits problèmes techniques. Un petit peu, mais vu qu'on est quand même des pros de l'informatique et de tout ce qui est logiciel de DNS. Son, etc. Vous pouvez me rappeler ce que c'est les DNS. Et donc, bon, non, j'écoutais pas. D'accord, très bien. Et donc, émission spéciale Noël aujourd'hui. J'espère que vous aimez Noël. Enfin, c'est une idée qu'on a eue ensemble, mais... Oui, alors c'est une idée qu'on a eue ensemble. Bon, déjà, une idée pas forcément très originale, mais au moins, ça nous a donné une thématique pour l'émission. C'est vrai que d'ailleurs, en période de Noël, les gens font beaucoup d'émissions de Noël. Ouais. En général, hein, plus que mi-juillet, Arthur, quoi. Patrick, c'est pas... Oui, en plus, la période s'y prête plutôt bien. C'est ça. S'y prête story. Oui. Donc voilà. Et donc vous aimez Noël, donc tout va bien. Bah justement, c'est moyen, mais là le fait de que ça soit pour l'émission, ça passe beaucoup mieux. La pilule passe mieux, j'ai envie de dire. D'accord. Bon ouais. Bah ça va très bien. Alors il y aura plein de surprises pendant cette émission. Oui. Qu'est-ce qu'on aura ? On aura un maxi pitch de l'improbable. On aura exactement. Un son du futur. On aura un invité spécial en fin d'émission. On aura des jeux, voilà, des surprises, que de vous la bonne humeur et surtout de l'esprit de Noël. Et en parlant de Maxi Pitch, il y en avait eu un la semaine dernière. Enfin, exactement. La semaine dernière, je dis toujours la semaine dernière, ouais, comme si on avait une émission hebdomadaire. Et non. Mais non. C'était à l'émission d'avant. Exactement, exactement. Vous pouvez nous rappeler, vous pouvez rappeler. C'était le commando des morts vivants. Shockwave. Donc un film qui existait, vous l'avez vu. Exactement. Parce que j'avais passé le DVD avec un plaisir exactement. Non dissimulé. Non dissimulé, comme à chaque fois, c'est vrai. Hein. oui, alors je l'ai vu, je l'ai regardé. Et ben, j'ai bien aimé. Si j'ai bien aimé, alors... Ça n'a pas forcément très très bien vieilli, c'est vrai, ça, je pense qu'on peut le dire. Enfin, ah oui, non, mais c'est clairement, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça bon, a voilà, son petit charme. Les acteurs ont un jeu qui est assez approximatif, leur look assez approximatif aussi. Je pense qu'on peut parler de la moustache d'un personnage, je crois que c'était le beauf là justement dont vous me parliez. Oui, c'est ça exactement. Et voilà, bon, ça laisse à désirer. Bon, l'image, l'ambiance, tout ça. Mais alors surtout, là, ce qui m'a surpris, c'est en fait le rythme du film. Que moi j'ai trouvé assez lent. Ouais, voilà. Assez lent. Et voilà, donc je trouvais que pour un film d'horreur c'était un peu surprenant. Mais c'est assez récent une ambiance assez calme, des musiques légèrement angoissantes, mais pas non plus trop. Oui, oui vous alliez dire. Non, je veux dire, c'est assez récent que les films d'horreur aient des ambiances très rythmées avec des jumpscares et des choses comme ça. Ouais, c'est vrai, mais oui, alors c'est vrai qu'un film d'horreur des années 70. Si on regarde même un des premiers gros films d'horreur, L'Exorciste, c'était un rythme assez lent. Malgré tout, ça met du temps à se mettre en place, il y a une ambiance. Ouais, mais il y a quand même des moments où on sursaute, des moments oui, un clairement. Peu... Mais c'est vrai que bon, c'est un film. C'est, ouais, baise-moi. C'est un film d'ambiance plutôt. C'est et, vrai. Je vais vérifier si vous l'avez bien vu le film. D'accord, allez-y. Il y a donc ces zombies, enfin ce commando de morts-vivants, ils ont un point faible. Ouais. Je l'avais pas raconté durant l'émission dernière. Oui. Quel est ce point faible, Jean-Bierre ? Alors, si, je l'ai vu. C'est qu'en fait, ils ont. Ils meurent, enfin c'est le mort-vivant, mais ils sont très handicapés quand on leur enlève leurs lunettes de plongée. Parce que vous savez, c'est des zombies nazis qui marchent ouais, sous l'eau. Point donc faible, les gars, comme ils sont pas cons, ils ont des lunettes de plongée. Et d'accord. Si on leur enlève leurs lunettes de plongée, il y a du soleil. Alors là, bravo. Ouais. Bravo parce que c'est ça. Et moi, j'ai une question à nouveau pour une question pour vous. En retour, allez-y, je vous en retour, Richie. Une petite question surprise pour voir si vous connaissez bien les films que vous me proposez. Mais je connais le film. C'est vrai ? Je l'ai vu avant de faire la chronique. D'accord, très bien. Alors. L'héroïne à la fin, ouais. Qui s'en tire, elle est dans une barque. Ouais. Oui, vous vous souvenez de ça. Mireille. Mireille Barque. Parfait. Très, très bien calé. Un bijou. Excellent. Voilà, c'est tout. Ça et donc, c'était la question. Je voulais vous demander le nom de la barque en question. Allez, mais, je crois. Ouais. Oui, vous en souvenez. Je crois que c'est la Bonne Aventure. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, c'est vrai. C'est ça en plus. Ah, c'est vrai. Joli. Non, j'ai été. Ah, non, mais je l'ai vu. Hein. J'ai été médisant. Je me rappelle parce que c'était un mot français et que ça me faisait penser à Yuri Benaventura. Oula, t'as un bon moyen mémotechnique. Voilà. Très important. Ouais, donc voilà. Mais autrement, très bon film. Je le conseille à nos auditeurs. Bah, Shockwave. Ouais. Et d'ailleurs, sur Twitter, il y a quelqu'un qui nous a justement envoyé un message. Ouais. Parce qu'il y a un autre tweetos, comme on dit dans le game, qui a monté un site, en fait, où justement, il reprend tous les navets, un petit peu, ou genre de choses. D'accord. Et il y avait justement Shockwave qui paraissait dedans. Donc voilà, il y a un des tweeters qui nous suit sur Fruit de la Station, enfin Twitter, je sais pas quoi, là, qui nous a envoyé ça. Et donc, ça m'a fait très plaisir qu'on pense à nous quand on voit ce film-là. Ah, je connais pas trop, mais donc, les tweetos, c'est un peu ce qu'on voit à la fête foraine, quoi. Les churros. Ah oui, non, les churros. J'ai confondu. Très bon. Churros. On va être sur du très J'espère très bon que vous niveau. Aimez l'humour parce qu'en fait, voilà, les problèmes techniques ont engendré un retard et un apéritif hein, qui s'est un petit peu allongé, ce qui va compliquer un peu l'émission. Tout s'accumuler avec la fatigue des préparatifs de Noël. Mais bon, j'espère que vous avez vu depuis qu'on ne s'est pas vu de meilleurs films que Shockwave. Parce que même si j'aime bien Shockwave quand même, alors déjà, vous êtes un peu sorti parce que vous sortez beaucoup. On se rappelle de votre excellente chronique de l'émission dernière sur vos multiples sorties. Oui, c'est vrai. Alors déjà, je tiens à souligner le professionnalisme de la transition que vous venez de faire. Donc, c'est une école. Hein. C'est impressionnant. École de journalisme. École de journalisme. École de la transition. Alors oui. Quatrième vu... techno-journalisme. Où ça? Là-bas, dans les Monts d'Arrée. Parfait. J'ai été voir le dernier de pas Harry Potter là, mais de Les Animaux Fantastiques. Les Animaux Fantastiques, ouais. Voilà. Bon alors j'ai bien aimé voilà, l'ambiance, le générique, l'univers quand même qui était bien repris, le fait que ça se passe aussi aux États-Unis, je trouvais que ça changeait un peu, ça que change l'ambiance tout, glauque, l'époque aussi. L'époque aussi, c'est quoi, 1800 et quelques. Oh, j'ai l'impression un peu les années 20, 1920. Ah peut-être. Oui, si, parce qu'il y a déjà ouais, ça doit être ça. Donc voilà, ça j'ai bien aimé, la musique du générique quand même qui est cool et qui fait plaisir à réentendre après, enfin moi je me revoyais devant Harry Potter à l'école des sorciers. Madeleine de Proust quoi. Madeleine de Proust. Oui, bah oui, j'adore cette blague. C'est très bon. Marcel Prout. Et donc, voilà. Et par contre, alors là, petit spoiler, bouchez vos oreilles ceux qui n'ont pas vu le film. Alert. C'est musique que... de sirène. Ah non, pardon, la sirène. Bravo. C'est qu'à la fin du film, donc le personnage qui est quand même assez clash, je trouve, de Colin Farrell, il y a beaucoup de gens qui lui ont craché dessus. Non, moi j'aime bien qu'il aussi. Était nul, qu'il avait pas de charisme et tout. Ouais, je trouve classe le personnage, franchement. Surtout que c'est un personnage qui est un peu ambigu, il est ni complètement gentil, ni complètement méchant, comparé à l'autre dope que vous allez annoncer. J'imagine. Voilà, et à la fin, donc on découvre que c'était une sorte de personne qui pouvait faire de la métamorphose. Clone, un peu, et en fait, on a un Johnny Depp SDF, cheveux blonds, pyroxydés, c'est affreux quoi. Ouais, il a une et une on voulait tête pas de lui, merde. On était content avec Colin Farrell, on se dit putain, en plus c'est une annonce, genre vous êtes content, le 2 ce sera Johnny Depp. Ouais, wow, bah non, on n'est pas content. Non, ok, bon, c'est... on s'en parle les couilles. Je suis vénère. Parce que j'aime pas les animaux Johnny fantastiques. Johnny Depp, enfin, qui a pris à peu près 70 kilos, je pense. Que, ouais. Il est énorme. Non, il a un double menton et tout. Alors c'est... qu'avant, il prenait 50 kilos quand il baisait Vanessa Paradis. Humour raffiné. Humour qu'on aime. Oh non. La station. Bravo. À quoi? Mais vous aimez pas l'humour, c'est l'école française de l'humour, hein. C'est Raymond Devos et Guy Bedos. Bah, c'est Guy Béard aussi. Quoi. Et Guy Carlier. Ah oui, on est plus sur du Guy Carlier en termes de physique de Johnny Depp, notamment. Ah oui, c'est vrai. Et autrement, Sausage Party. Sausage Party. Voilà, vous pouvez voir que le dernier mois, là, chargé en bon gros film. Bon, bah voilà, un truc bien débile, bien con comme il faut. Pas forcément fifou, mais bon, je veux dire, pour un samedi soir ou un dimanche soir, voilà, ça passe. Alors, du coup, cette polémique sur. Moi, je l'ai pas vu le film, c'est, mais sur cette interdiction c'est, en moins de 12 donc ans. Des aliments dans un magasin, qui notamment un paquet de saucisses, et leur rêve, c'est de se fourrer dans du pain hot dog. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que la polémique est méritée, ça va vraiment loin, c'est hardcore. Non, ou... ça va pas loin du tout. C'est juste, c'est pas un film pour les enfants, alors il faut pas l'interdire au moins de 16 non plus. Là, il est interdit au moins de 12 en ce moment, donc il y a évidemment l'association Promouvoir là, qui est sur le coup pour faire interdire ça au moins de 16. Voilà, après, faut juste que les parents se rendent compte que c'est pas un film forcément pour les enfants, mais je veux dire, à 15-16 ans, je pense que les gosses, ils en ont vu d'autres, hein. Oui, c'est et, sûr. Voilà. Mais donc, ça, après, c'est aux parents, quoi. Enfin, oui, voilà, moment, non, c'est ça. Faut... Et puis, il faut arrêter de se leurrer maintenant avec Internet et tout ça. Je pense que les gosses, ils voient des choses mille fois pires oui, que ça. Oui, c'est sûr qu'une saucisse qui rentre dans un voilà. Domaine, c'est ça. Dans une, voilà. Et d'ailleurs, je savais pas, il y a Edward Norton au casting de ce film qui, qui double un des aliments. Il y a Seth Rogen, James Franco, du coup, évidemment. Et Edward Norton aussi. Ok. Voilà. Pour... Et autrement, si j'ai vu une série qui m'a fait rire, qui s'appelle Love Sick. Une série Netflix. Donc voilà. Et en fait, c'est juste l'histoire d'un mec qui se rend compte qu'il a une MST. Et du coup, il doit l'annoncer à toutes ses ex. C'est une MST tranquillou. D'accord. C'est genre Chlamydia. Chlamydia ouais, tranquille. Chlamydia Jordana. Enfin, voilà. Vous les aviez écrits avant. Non, bah non, je ne savais pas ce que vous alliez dire. C'est ce qu'on appelle un petit peu l'improvisation. L'improvisation. Voilà, et vous parlez beaucoup de vos films qui sont en plus relativement médiocres. Vous êtes dur. Vous êtes très très dur. Allez-y, vous alors. Moi, j'ai vu Arrival dernièrement. Ah, Premier Contact. Premier Contact. Oui, je veux. De Denis Villeneuve. Je vais aller le j'ai voir. J'ai adoré. Je vais le voir aussi. Ouais. J'ai trouvé ça formidable. C'est vrai. J'ai vu aussi Manchester by the Sea. Avec Ben Affleck. Casey Affleck. C'est très bien, c'est très cool et tout. C'est déprimant. Mais c'est un beau film, etc. Mais Premier Contact, ouais. J'ai adoré. Okay. C'est un film, ça m'a touché, ça a fonctionné à fond avec moi. On m'a dit que c'était quelque chose de très immersif. C'est très immersif, c'est vraiment rencontre alien. Ouais. Ils arrivent, ils s'installent, ils ne bougent pas, ils ne communiquent pas. Ouais, ça comment bien, on fait pour communiquer avec des gens avec qui on n'a rien à voir. Okay, d'accord. Et là, on découvre une sorte de langage, c'est une linguiste okay. qu'on suit. Et il y a toute une histoire qui se met en parallèle avec un questionnement que je ne peux pas dévoiler là. J'ai aucune envie de spoiler ce film. D'accord. Et c'est magnifique. Enfin voilà, ouais. Non, apparemment, ça superbe. C'est très très bien, ouais. Denis Villeneuve, c'est la personne qui avait fait Prisoners oui. avec Hugh Jackman et Jack Gyllenhaal. Jack Gyllenhaal. J'aime fait beaucoup. Le ennemi un peu moins bon et Sicario aussi. Sicario qui est bien aussi, ouais, exactement. Ouais. Et vous n'êtes pas allé voir le dernier Star Wars ? Non. Ah, non. Moi non plus. Non, désolé. Non, mais apparemment, c'est pas une grande réussite d'après ce que j'en ai lu, donc voilà. Enfin, ne nous éternisons pas, parce qu'on a tendance à faire des émissions un peu longues. Transition. En général. Oui, c'est vrai. On nous l'a beaucoup reproché, il y a 2000 auditeurs qui nous ont fait une petite... Exactement, une petite remarque. Pétition. Mais moi, après tout, 2000 sur 1 million, qu'est-ce que c'est ? C'est pas grand-chose, hein, c'est... Voilà. On en a cure. En tout cas, disons aux gens qui nous écoutent, vous êtes une élite, hein. Vous êtes très peu. Oui. vous êtes au top de la nouveauté. Trier sur le volet, quoi. Ah oui, trier sur le volet. Voilà. Et on va commencer direct avec la première rubrique. Et Oula. C'est vous, Jean-Bierre. Oh, le stress. Vous savez par quoi vous avez commencé ? Vous savez ce que je vous ai mis ? En fait, parce que, bon, évidemment, on ne connaît pas nos chroniques, seulement il y a un de nous deux à chaque fois de façon alternative oui. qui fait un petit conducteur. Exactement. Et là, je sais que. Donc, je sais juste que Jean-Bierre a préparé l'homme du jour. Et donc, Jean-Bierre, vous pouvez y aller. C'est vrai. Je vous écoute, je ne sais pas, allez-y. Très bien. Alors, l'homme du jour, donc on n'oublie pas, c'est une spéciale Noël. Ah bah oui, d'accord. Évidemment. D'accord, ah oui, non, mais il y aura des petites virgules, comme on dit dans le milieu de la radio. C'est dégueulasse. Pourquoi ? Virgule dans ton slip. Virgule dans ton slip, je ne sais pas. C'est pas une expression que vous connaissiez, ça ? Non. Parce que quelqu'un, il a des traces de frein dans le slibard. D'accord, je croyais que c'était quelqu'un qui avait la bite coudée. C'était une virgule, mais non. Belle imagination. Je suis d'accord avec parfait, très bien. Non, donc voilà, spécial Noël, je vais parler d'une personne qui s'appelle Thomas Nast. Vous savez qui c'est ? Non, absolument très pas. Bien. Vous l'essayez de deviner ? Bah, non, absolument. Oui, évidemment. Pas. Vous voulez que je pose des questions ? Ouais, allez-y. Ah oui, ouais, je pensais que vous alliez dérouler. Moi aussi, je vais dérouler. Mais c'est une personne vivante ? Non. Elle est morte, bel et bien morte. Elle est morte depuis plusieurs siècles. Elle est morte depuis un siècle. D'accord, donc elle est morte au début du XXe siècle. Oui. Voilà, calcul de tête ouais, comme ça. Ouais, hey, vous avez fait histoire, non ? Oui, histoire. Histoire géo, juste histoire ? STG. Ah, histoire. Très bien. Société tertiaire de géographie. Oh, les acronymes, mais c'est une folie. Et donc, c'est une personne qui m'a préparé un siècle, qui était un artiste. C'est un homme d'ailleurs, pardon ? Oui, Thomas. Thomas Nast, ouais. Oui, c'était un artiste. Dans le milieu des beaux-arts, c'est-à-dire peinture, sculpture. Oh, vous êtes bon. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais. C'était un caricaturiste. Un caricaturiste. Ouais. Américain, vu le nom anglophone. Il était américain, ouais. Si, américain. Si, américain. Ah, ouais. Un peu compliqué. Il est né en Allemagne, mais il non. a grandi à New York. Ça n'a pas d'importance. Un peu. Il est devenu célèbre parce qu'il a caricaturé une personne en particulier. C'était le premier. Ou dessiner une personne. Il est devenu célèbre pour notamment les événements en fait qu'il a couverts. Il travaillait avec la presse. Ouais, exactement. En fait, c'était ça. C'était un caricaturiste dans un journal de presse qui s'appelait le Harper's Weekly. D'accord. Voilà. Mais c'est bien. Poser des questions et comme ça, en fait, j'aurais pu très en bien. Dérouler. Ça, et donc cette personne, il est devenu célèbre par rapport aux événements particuliers. C'est et c'était la Première Guerre mondiale. En fait, non. C'était pendant une guerre qu'il y a eu aux États-Unis. La guerre de sécession. Exactement. Et en fait, il a fait des dessins, beaucoup de dessins sur la guerre de sécession aux D'accord. États-Unis. Voilà. Et du coup, ça a un lien avec Noël. Exactement. Ça a il lien a dessiné Noël. Une trêve qui s'est organisée pendant Noël entre les sudistes et. Non, il a pas dessiné une trêve là-dessus. Là, ce qu'il faisait sur la guerre de sécession, c'était du dessin plutôt, voilà, assez sérieux, un peu engagé D'accord. aussi. Il faisait des, enfin. Ça rejoignait beaucoup la politique. Il dessinait des hommes politiques. Très il bien. A participé parfois à l'élection même d'un homme politique en particulier. D'accord. Parce que justement, il discréditait son adversaire avec ses ouais. caricatures, etc. Mais non, il et a. Vas-y, allez-y, continue. Je dois trouver le lien avec Noël. Oui, essayez de trouver le lien avec Noël. Après, là, vous avez déjà sorti les plus gros éléments. Il a été le petit copain du Père Noël. C'est ça. En fait, ils ont eu une aventure ensemble. Ah, exactement. D'accord. Non, c'est non. pas ça. Vous y êtes presque. Non, vous y êtes non. pas presque. Allez-y, orientez-moi un petit peu. En là, fait, parce que... c'est un caricaturiste. Donc, qu'est-ce que fait un caricaturiste ? Il caricature. Exactement. Donc, il dessine. Oui. Il dessine. Est-ce que, voilà, donc vous avez dit début 20e, ouais. En gros, entre 1800 et 1900. Enfin, il est né, je vais vous dire. Bah, il est né, début 19e, du coup. Ouais, c'est ça. En fait, il est né en 1840. Ah oui, donc 19e siècle. Ouais, il est mort en 1902. Oui, il ouais, ouais, vraiment, donc c'est vraiment 19e. Moi, j'étais parti sur le 20e. Mais bon, c'est que guerre de sécession, en effet. Voilà. 19e. Exactement. Et en fait, du coup, il a dessiné le Père Noël, en fait. Ah, c'est la première personne qui a représenté le Père Noël. C'est donc lui qui a dessiné une des premières représentations du Père Noël, comme on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un mec un peu bedonnant, qui doit sans doute tirer un peu sur la picole, qui sourit tout le temps, et surtout qui est habillé en rouge. Et c'est ça, moi, c'est que ça, je trouvais intéressant. Il y a les représentations de Saint-Nicolas avant tout ça, ça devait être... Exactement. C'est une variante, la première variante plutôt américanisée, ouais, plutôt américaine en rouge, etc., le côté gros bonhomme. C'est exactement ça, parce d'accord. qu'en fait, voilà, des versions russes du Père Noël, des versions espagnoles, des versions... Voilà, il y en a plein, pour chaque pays, quasiment. Parce que le Saint-Nicolas, c'est plutôt une sorte de grand maigre, un ouais. peu en mode Dumbledore, ouais, c'est ça, ou Rasputin, qui fait un peu flipper. Ouais, non, mais voilà, c'est ça, pas le petit pépé bedonnant. Espèce d'anorexique badant, là. Et Thomas Nast. Nast, en fait, c'est lui qui a dessiné le Père Noël un peu comme on le connaît aujourd'hui, donc un gros, avec une pipe, une hotte aussi, avec plein de jouets dans les bras. Et cette première caricature, elle date du coup de 1863, quoi. Ah ouais. Et en fait, il a dessiné le Père Noël et il a fait évoluer les couleurs de son costume au fur et à mesure. Et il est notamment passé par le rouge. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on entend tout le temps, oui, c'est Coca-Cola qui a récupéré le fou. Rouge du Père Noël. En fait, non, pas du tout. C'est juste que lui, il l'a dessiné en rouge. Et donc, en fait, Coca-Cola a juste utilisé cette représentation-là. Ça allait bien avec ses couleurs, etc. Mais ça avait déjà été fait avant, donc en 1863, par Thomas Nast. Et après, évidemment, la vision de la marque Coca-Cola a contribué à mondialiser cette image-là, donc du gros mec bedonnant avec sa hotte pleine de cadeaux. Mais à la base, c'est un caricaturiste et un journaliste, historique même. D'accord. Qui avait dessiné. Vous l'avez vu cette image? Oui, alors je pourrais la mettre sur les réseaux. Exactement. On pourra la mettre sur les réseaux. Et voilà, si on tape Thomas Nast Père Noël, on trouve ça. Okay. On trouve ce dessin-là. Et vous allez voir, c'est vraiment typiquement la personne qu'on connaît actuellement. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Bierre. Alors là, on commence. Vous êtes en plein dedans, là, dans le thème de Noël. Foufou. C'est magnifique. J'ai appris quelque chose, parce que moi, je suis peut-être un peu con, mais j'étais encore resté sur l'idée du Coca-Cola, etc. Ouais. Et non, d'accord, très bien, bravo, l'homme du jour. Voilà. On l'oubliera pas, puis à sa mémoire, il est mort en 1902. Exactement. Donc on fête quand même cette année les 114 ans de sa mort. Exactement. Et c'est quand même, on fête tout le temps les 114 ans du décès de la personne, donc c'est très sympa. C'est et donc, on se retrouve tout de suite. Et on va se retrouver après le Maxi Pitch, une petite pause de musique. Là. On vous embrasse, Free de la station, c'est Noël. Un joyeux Noël, Jean-Bien. Oh, mais moi aussi, c'est mais vrai. Tellement content de passer ce 24 décembre avec vous. C'est vrai? Ah ouais, ça me fait vraiment plaisir. Faut dire que nos familles nous ont renié aussi. Les familles nous ont pas invités surtout, mais bah, c'est une sorte de reniement. Oui, hein, je part. Pense qu'on peut le dire. Mais bon, voilà, moi, heureusement que vous étiez là parce que je me serais senti très seul et là, ça me fait très plaisir. Et nous venons de parler de Thomas Nast, le génie qui a inventé exactement. Le Père Noël, enfin, qui a inventé la représentation moderne du Père Noël. On va dire occidentale. Enfin, occidentale. Même pas. Ouais, si, oui. On peut dire ça. Et là, vous savez quelle est la chronique? Je crois que c'est la seule chronique qui a été à chaque émission. C'est le maxi pitch de l'improbable. Exactement. Oh là là. Mais vous savez que ça fait, enfin, c'est grâce à ça que quel succès qu'on a. Oui, clairement. Oui. Enfin, voilà, je veux dire, c'est sûr que c'est ça. Ouais. Et écoutez, je vais me lancer. Donc, je rappelle le principe encore une fois, rappelez, même si rappelez, je pense rappelez, que rappelez. Depuis, normalement, voilà. Oui, je vais raconter un film. Je vais donner plein de détails, des dates de sortie, etc. Ça ne signifie pas que c'est un vrai film ou que c'est un faux. C'est-à-dire que si j'invente qu'il y a tel acteur, etc., ce n'est pas moi qui me trompe. J'ai peut-être tout inventé. C'est possible. Ou peut-être que tout est réel. Juste pour rappeler aux auditeurs, donc, voilà, moi, je pose des questions, j'essaye de me renseigner. Jusqu'à présent, donc, sur on va dire 100% de nos émissions, le film existait vraiment. Tout à fait. Parce qu'en fait, si le film existe et que j'arrive à le deviner... Ou même si j'arrive pas, parce que Richie est une personne exceptionnellement généreuse, il me passe le DVD. Oui, voilà. Tout à fait. Parce que donc, je ne parle que de films que j'ai dans ma dans sa DVD, DVD tech. D'ailleurs, forcément, ce film-là est... Bon, je me lance, allons-y. Ah oui, allez-y, allez-y. Forcément, je parle de quoi ? D'un film de Noël. Oh, bah oui, c'est une spéciale Noël. Et ce film s'appelle Le Noël de Rose. Ok. En version française. C'est faux. En version américaine, il s'appelle Christmas is in Town. Donc... pas grand chose à voir, c'est allez, traducteur, Noël est en ville, et c'est un téléfilm. D'accord. J'ai dit un téléfilm. Ah, donc ça n'a jamais été diffusé au cinéma? Non. Vous me direz Shockwave à mon avis non plus, mais... Si, si, bah aux États-Unis. Ah oui, remarque. Ouais, ok. Donc, oui, vous m'aviez dit qu'il y avait des manifestations et tout ça. Donc c'est un film réalisé par Peter Broadclay qui est sorti donc aux États-Unis en 1995, donc on est en plein... dans les années 90, là un peu bah, l'âge d'or des films de Noël de qualité. Exactement. Donc... je vais vous parler un peu de Peter Broadclay, parce que rien que le réalisateur en lui-même, il est assez magique. Quoi. Ça me semble beaucoup trop précis pour être vrai. Allez-y. Ah bah vous savez que je suis assez précis en général. Mais vous travaillez continue, bien vos sujets. Je continue. Allez-y. Mais en effet, c'est de précision. Déstabiliser. Donc c'est un réalisateur qui a fait beaucoup de films, qui a réalisé aussi des clips vidéo, mais qui a une particularité qui est très originale, c'est que toutes ses œuvres de fiction se passent dans un même univers. D'accord. Qui est l'univers de la mode et de la haute couture. Ok. C'est-à-dire qu'il a réalisé un film d'horreur qui s'appelle Ugly Girls et qui raconte par exemple l'histoire d'un tueur en série sniper qui descend les mannequins pendant qu'elles défilent. Il a raconté aussi un film, une comédie romantique où c'est voilà, un mannequin qui tombe amoureux de l'agent, etc. Okay. Et tous ces films, c'est toujours dans le même univers. D'accord. Et voilà. Et donc vous allez me demander comment ce génie, qui est pour moi Peter Broadclay, a pu allier le film de Noël. Et donc l'univers de la haute couture et de la mode. Parce que là, ça devient intéressant. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce film et je vais vous raconter tout ça. Très bien. N'hésitez pas à m'interrompre encore une fois. Non, mais là, pour l'instant, je me pose énormément de questions. Enfin, c'est pas que je me pose des questions, mais je réfléchis beaucoup. Parce ah, mais réfléchissez. C'est très, très précis ce que vous me dites. C'est très alors, précis. Alors, donc, le film commence de façon très belle. D'accord. Joli plan sur une petite chambre d'enfant. Mm-hmm. Et on voit une petite fille toute mignonne qui dort sous sa couette. Et on voit dans sa chambre, on découvre énormément de décorations de Noël. D'accord. Plein de choses, des guirlandes lumineuses. Elle a même un sapin dans sa chambre. Donc c'est une petite fille. Une petite fille qui a à peu près 6 ans. Ok, d'accord. Un prénom pour cette c'est fille. La rose en question. Du ah, film c'est Noël d'accord. De ok, très bien. Et donc on voit le sapin qui clignote. On se dit, bon, la fille, il y a des statues, enfin des sortes de petites figurines du Père Noël partout. On se dit, bon, elle kiffe vraiment Noël, mais après tout, elle a 6 ans. Et c'est normal. C'est pas bien grave. Moi j'étais pareil. Le problème, voilà. Alors c'est cool. Le problème, c'est que le matin, donc arrive. Ouais. Elle se réveille et elle descend les escaliers de chez elle 4 à 4. Les escaliers ? Les escaliers, ah, c'est les anciens caliers. Dix caliers, dont on parlait tout à l'heure. C'est et donc, elle descend les escaliers 4 à 4. Oui. Mais elle est toute seule. Non, elle descend les escaliers, elle fait « Père Noël est arrivé ! Le Père Noël est là ! Le Père Noël est là !» Et à son père qui fait « Qu'est-ce que vous faites ?» Non, il est revenu. Non. Et là, elle descend donc ses escaliers, elle est toute contente. Et en fait, on voit à peu près, donc on découvre la maison. D'accord. On voit les parents qui sont en tenue un peu en short, etc. On est aux États-Unis. On est aux États-Unis, mais donc, c'est pas précisé. Ouais, genre maison de banlieue standard. Voilà, un truc classique. Honnêtement, okay. C'est pas impossible à savoir. D'accord, très bien. Et on voit les parents donc qui ont l'air d'être habillés un peu en mode été. Ok. Et on comprend en fait qu'on est en plein mois de juillet. D'accord. Ouais. Et que la petite, elle craque un petit peu et que les parents sont blasés et qu'ils lui expliquent à chaque fois, écoute Rose, le Père Noël c'est le 24 décembre, etc. D'accord. Elle est là, mais non, il est revenu, je veux voir le Père Noël, etc. Et c'est en fait c'est une enfant qui a des problèmes peut-être. Visiblement. Apparemment. Petit problème psychiatrique, probablement une enfant qui a été abusée. qui a été bercée trop près du mur. Voilà. Et donc là débarque mon personnage préféré du film, qui est donc le grand frère de Rose. Ouais. Qui s'appelle Roy. Ok. Qui a à peu près 10 ans, 10, 11 ans. Ouais, l'aîné de la famille ? Oui, oui, ils sont que deux. D'accord, ok. Et c'est un peu vraiment le Kevin tout à fait des années 95. C'est-à-dire qu'il a une casquette à l'envers comme vous. Oui, d'accord. Et il a toujours un yo-yo sur lui, zozote. Enfin, c'est encore une fois. Il arrive à faire le chien ou pas ? Je sais pas. Ah, avec le yo-yo, non ? Ah, le chien, il a une figure de yo-yo ? Oui. Ah, je sais pas, je suis pas assez pointu à ce niveau-là. Bah, ouais, on en parlera plus tard, je ferai une chronique. Et il sort quand même une punchline qui est assez magique à sa sœur. Donc, il dit à ses parents, et je cite texto, vous voyez bien qu'elle est gol-gol, il faut lui faire des électrochocs. Donc c'est quand même la violence du frère qui a 10 ans. C'est le méthode de soi à cette époque. Hein. Il dit ça à sa sœur de 6 ans. Donc ça, c'est assez magique. Donc bon, le film avance, les parents partent au travail. Donc là, on comprend, et là, on arrive un petit peu dans le sujet qu'on cherchait. Le père est directeur d'agence de mannequins. D'accord. Il part au travail et la mère et organise les défilés pour la même agence. Donc, on arrive dans l'univers du réalisateur qu'ils appelaient ? C'est ça, Peter Broadclay. Ok, d'accord, très bien. Et donc, voilà, ils partent au boulot. Il y a une petite sorte de babysitter inutile dans le film qui s'installe et qui fait son vernis à ongles dans la maison à l'étage et qui écoute quoi, une babysitter un peu genre le cliché de la babysitter. Oui, oui, genre, du j'ai 17 gomme, ans, voilà. Non, non, je me fais trop chier ici. Ouais, d'accord, okay. Là, on a un cut dans le film, on change d'univers. Okay. On arrive dans ce qu'on devine être le pôle Nord. Ouais. On entend des cris. Et des cris qui sortent de ce qu'on imagine donc être la maison du Père Noël. Ouais. Et là, on entre dans la maison et on voit le Père Noël qui hurle, qui est en train de tout casser dans la maison et qui est là. Oh, trop de rouge, trop de vert, trop de rouge. Il est tout rouge. Il est ivre mort visiblement. Il y a la Mère Noël qui est prostrée dans un coin, qui est en train de pleurer. Mais parce que ah ouais, genre femme battue un peu. Non non, bah enfin. Ah on mais voit comment pas vous, ça, vous cassez la magie de Noël, Richie. Mais c'est le film. C'est une horreur, d'accord. Elle est comme ça. Et il hurle trop de rouge, trop de vert. Il y a les lutins donc, qui sont accrochés au Père Noël pour essayer de le maîtriser. Les lutins qui sont joués par des nains. Ils font pas tous la même taille. Et on sent que l'acteur est vraiment prêt à tomber à cause du poids des acteurs nains qui sont lourds, comme chacun sait. Bah, et nains, les os denses. L'acteur est vraiment en train d'essayer de tomber. Il est en train de crier encore trop de rouge, trop de vert et tout. Et donc, il continue à gueuler tout ça. Et selon vous, pourquoi le Père Noël dit ça ? Qu'est-ce qui lui arrive, quoi ? En fait, c'est quoi ? C'est trop de vert, trop de rouge ? C'est par rapport quoi, aux emballages de cadeaux Non, pas du tout. Un parti politique, peut-être. Non, non. Mais c'est un peu ça. C'est un peu par rapport aux emballages de cadeaux. Par rapport à cette nuit. En fait, il fait un burn-out. Ah, d'accord. Donc, on est au mois de juillet, comme je disais. Et donc, le Père Noël se repose la moitié de l'année. Au mois de six mois avant, quoi. Il commence à bosser un petit peu pour préparer Noël. Milieu d'année, ouais. Il fait un burn-out. Il peut plus voir la déco. Tout est rouge et vert chez lui. Okay. Il craque complètement. Il devient ouf. Il a énormément de travail et tout, c'est beaucoup de pression, on comprend un peu. D'accord. Et là, le gars est tellement en crise, le Père Noël, qu'il y a une sorte de nain en couche-culotte dans ses nuits. Un nain cupidon un peu qui sort une flèche magique et qui tire sur le Père Noël et il s'évanouit, donc voilà, il est calmé. Donc là, les nains, ils réfléchissent, ils se demandent. Comment on fait Richie, enfin ouais, comment on gère la crise okay. Quoi. Donc là, les nains, ils se mettent tous ensemble, ils réfléchissent. C'est un acteur connu, le Père Noël, ou pas du tout? Non, ah non, c'est une sorte de vieillard obèse avec une barbe. Robin Williams en fin de vie, quoi. Ouais, voilà. Okay. Bah, oui. T'oublies pas. Rest in peace. Et moi, j'aimais bien sa chanson quand même. I just wanna feel. J'ai bien ça, c'était ce qu'il a fait bien avec Flaubert. Alors, et Madame Deadfire. Donc, est-ce que vous voulez connaître la suite, mon cher Jean-Pierre? Ah oui, oui, allez-y. Donc les nains, allez-y. Là, ils viennent le Père Noël vient de s'évanouir avec le nain Cupidon en couche. Ouais. Et donc ils décident de comment on va faire. Et là, ils ont une sorte de grande boule à neige. D'accord. Et ça représente un peu le globe terrestre. Ok. Et ils vont se dire, on va trouver où se niche le plus grand esprit de Noël. Il tombe sur la gosse Golgol. Ah, exactement. Il tombe sur Rose. Comme ça va redonner l'espoir au Père Noël, etc. D'accord. Donc, ils décident de. Ils ligotent le Père Noël, puisqu'il est toujours évanoui. Ils arnachent les. C'est quoi qu'ils ont mis dans la flèche et Tranxen. Il doit dormir encore, GHB. On va en parler l'autre fois. Du GHB. Père Noël sous GHB. Donc, le nain. Le Père Noël se fait violer par les sept reines. Le traîneau. Rodolphe en tête, toujours dans les bons coups. La Rudolphe Salska. Donc. Il lui guette le Père Noël, il l'emmène donc chez Rose. Oui, d'accord, très donc bien. Ils font du trajet. Bon, là, je vous passe un peu le trajet. Ouais, ça dure longtemps ? Non, mais. Bon, normalement, c'est le Père Noël, il trace un peu quand même. Oui, mais il conduit pas. Donc les nains, ils se galèrent. Ah, c'est un les nains petit qui, ouais, ils un, savent pas un démarrer. Un qui se décroche d'ailleurs. Un nain sur la pédale d'accélération, un nain sur l'embrayage. Un nain, okay, même s'ils font pas tous la même taille, ils s'arrangent. Ok, d'accord. Donc le traîneau arrive, il atterrit dans le jardin de la petite. La babysitter est toujours à l'étage. La petite, elle est évidemment, elle est ouf de joie. Ah, tu m'étonnes. De voir le Père Noël. Elle grippe pas, elle appelle. Non, bah non, elle croit encore. Elle se dit, c'est mon grand-père. Elle croit qu'à ça. D'accord. Donc, forcément, elle le voit arriver. Elle, c'est magique. D'accord. Elle voit toute la compagnie de lutins qui lui explique le problème. Genre, oh, le Rose, Père Noël, parce que voilà, ils la connaissent. Donc, oh, Rose, on t'a vu. Ils la connaissent, ouais, parce qu'ils arrivent à détecter. Ils ont vu, machin, donc voilà. Bon, tout ça est plausible. Oui, et donc le Père Noël se réveille à ce moment-là. Mm-hmm. Il regarde ses vêtements, il repart en bad parce qu'il est trop drôle, je peux le faire et tout. Il part complètement, il hurle et là en fait c'est une des scènes les plus gênantes pour un film parce qu'il commence à arracher ses vêtements. Oh non. Il se retrouve torse nu et il est en slip quoi. D'accord. Il est gaulé un peu le Père Noël ou quoi? Ah il est très gros, il est dégueulasse que vous verrez, vous verrez dans le film. Ouais, il est pas gaulé du tout quoi. Et donc, il se retrouve en slip devant la petite fille. D'accord. Gros malaise. Ah ouais, il y a les nains qui essayent de le cacher, etc. Et là, il y a Roy qui débarque. Ouais. Donc, le grand frère. Et qui plaque le père d'œuf, enfin, qui lui saute dessus. Et le qui commence à lui mettre littéralement des coups de poing dans le visage. Quoi. Non, mais vraiment, quoi. Grosse bastos. C'est vraiment violente. Le petit, il est complètement fou. Un gamin de 10 ans, ça. Oui, oui. Très bien, j'adore les États-Unis. Alors, donc, tout le monde se calme petit à petit. Hein. Ouais. La scène redescend. Ouais. Scène très amusante où la baby-sitter enlève un écouteur parce qu'elle a entendu un bruit, puis elle remet. Voilà, c'est un parce qu'elle est hors classique. Champ et voilà, du coup, oh, pénible ce genre de truc. Un peu comme dans Mars Attack. Voilà, la vieille à la exactement. Fin. Et donc, tout le monde se calme. Ils habillent le Père Noël avec un jogging du père bleu marine, genre truc Adidas. Du coup, ça, le Père Noël, ça le calme un peu. Un peu comme le prof de sport dans Les Petits Spirous. Exactement. Ok. Et tout le monde explique à Rose donc, l'idée de proposer au Père Noël un relooking. Oh là là. Ce qui lui permettrait de rentrer dans le truc de mode là avec la transition. Ça arrive. Et donc un relooking avec le Père Noël et donc vu que sa mère s'occupe des défilés, exactement, vous avez tout compris. Oh là là. Là on a le droit à une super blague de Roy qui revient un petit peu à l'attaque avec les nains et qui leur dit vous n'avez pas le droit d'aller sur les plages nudistes parce que vous mettez vos nez dans les affaires des autres. Alors je sais pas, je l'ai pas vu en VO pour une fois. À mon avis texto c'est alors que je sais pas la VO qu'elle est dans les couilles des gens quoi. Je sais pas si voilà ils ont pu traduire, en tout cas dans la VF c'est cette blague. Ah, d'accord, très bien. Donc ils vont tous ensemble là où travaillent les parents, ils abandonnent la babysitter. Là bon j'accélère un peu parce que pareil tout leur trajet ils ont des problèmes, ils se travaillent en ville, les gens les voient, ça fait machin, tu vois, bon ok, vous voyez c'est un petit peu pénible à ce moment là oui bah, j'imagine ça, des espèces de montage un peu à la con et là donc ils arrivent et alors là la mère, ce qui est magique, c'est qu'elle comprend le problème de façon très zen, quoi. Ouais, j'arrive avec 10 nains. Ah, mais c'est le Père Noël qui est en burn-out, ça. Exactement. Ou une nouvelle tenue. D'accord. Pas de soucis. Non, mais très bien. Et donc, même le fait qu'il porte le jogging du père, c'est le pas. Il y a aucun problème. On dirait un SDF, quoi. Un peu comme dans le film Didier avec Alain Chabat. Oui, c'est ça. Où la meuf, ah, mais oui, mon chien, mais oui, il s'est transformé en être humain. Il y a aucun souci. J'ai vu ça encore sur France 2 l'autre jour. C'est mon choix, Evelyne Thomas. Pom pom padam. Pardon, j'adorais cette émission. Ça m'étonne. Excellente pas. Excellente émission de France 2. Hein. France 3, quand on connaît un petit peu vos goûts. C'est vrai, désolé. Donc la mère est OK pour lui faire une nouvelle tenue. Et là, bon, seulement, et ça va pas tarder à se terminer. Je vous parle de la tenue qu'ils lui font. Parce que rien que pour voir cette scène, c'est totalement magique. Le Père Noël donc, se retrouve en pantalon hyper moulant. De cuir doré. Un peu cuir. Ah oui, d'accord. Cuir doré, avec des chaussures compensées noires. Oh, une petite veste en jean rose et un chapeau avec des néons qui font des fusées. Oh là là. Donc même pas un rapport avec Noël. Non, rien à voir. C'est 14 juillet en fait, quoi. Des fusées. Ok. Et là, bon, encore une scène pour terminer. Quand le Père Noël se voit dans le miroir, on a un gros plan avec une larme qui coule sur sa joue chou, rose. Non, je suis libéré, quoi. Libéré, délivré. Et donc les nains sont émus. Et là, le Père Noël, il s'écrie oh ouais, c'est super. Je suis content. Noël aura bien lieu. Mais s'il vous plaît, est-ce que je pourrais faire le défilé, quoi. Est-ce que je pourrais défiler avec ses nains? Non, avec les meufs, quoi. Ah ouais, juste avec les meufs. Ah ouais, c'est un avec gros père. Mecs, avec une tête en tête du podium. Il embrasse Rose, la petite fille, puis le film se termine un peu difficilement. Il rentre en traîneau, etc. D'accord. Jambière. Ah mais sans hésiter, ce film existe vraiment. Film existe. Ou alors vous êtes en salle détraquée. Ce film existe ou pas, Jambière? Moi, je dis oui. Ce film n'existe pas. Oh, non. non, ce film n'existe pas, Jambière. Non. Non, il n'existe pas. Ah mais vous avez tout inventé? Oui. Ah oui, j'ai tout inventé, j'en viens, vous êtes bien voir. J'ai fait deux fois des films qui existaient. Mais oui, mais c'est ce que je me suis dit. Il n'existe pas, donc vous n'aurez pas le DVD, il n'y aura rien tout simplement, parce que le film n'a jamais été tourné. Mais vous avez inventé tout ça? Oui, bien sûr, Jean-Pierre, c'est le principe. Mais le réalisateur, mais rien n'existe, Peter Broadclay n'existe c'est pas. C'est horrible. C'est peut-être un joueur de hockey de seconde zone, je ne sais pas, mais non, il n'existe pas. Mais par contre, si quelqu'un veut tourner le film, maintenant qu'il y a le scénario tout prêt. On va le faire, on va le faire avec des Playmobil s'il le faut, mais on le fera. Maintenant que le scénario fait OK, c'est rayé. C'est validé. Non, non. Non, mais vraiment. Oh là là. Et vous, voilà. Vous êtes très très bon. Vous êtes un joli. Bravo. Ah, merci. Ça vous a plu. Très très bien. C'est excellent. Ah non, non, chapeau. Ah, vous êtes allé très loin dans les détails. Vous avez été plus dans les détails que. Mais c'est limite ça qui aurait dû mettre la puce à l'oreille. Vous avez été plus dans les détails que pour les films que vous avez fait avant qui existaient. Oui, oui, oui, peut-être. Justement, je voulais que ce soit un petit vraiment peu qu'on creusé s'y perde. Et tout. Donc, j'espère limite, que les gens se sont fait avoir aussi un petit peu. J'espère. Là. Ouais, d'ailleurs, ouais. On aurait dû laisser. On pourrait faire ça maintenant, laisser un temps de suspense. Genre, ce film existe, n'existe pas. Petit jingle, roulement de tambour. Ouais, les okay. gens dans leurs écouteurs doivent se décider. Et là, on balance. Eh oui, très bien. D'accord, on fera ça. Très bien. Est-ce que vous savez ce qui aurait pu vous mettre la puce à l'oreille ? Non. C'est que j'ai le DVD d'un téléfilm. Oh. Et si vous m'aviez posé la question, j'avais prévu de répondre. Ça existe des DVD de téléfilms. Oui, mais c'est chaud d'avoir juste un truc. Bon, j'avais prévu de dire que j'avais un film qui est sorti au cinéma de Peter Broadley, Ugly Girl, le film d'horreur, et qui avait en bonus ce téléfilm de Noël. J'avais prévu de dire ça. Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour me tester un petit peu. Quand vous faites un film qui n'existe pas, vous dites justement à un moment dans tout ce résumé quelque chose d'un tout petit peu incohérent comme ça. Ouais. Et pour voir si vous pour voir si je voilà ça pourrait être utile. Après c'est pas moi le boss du Maxi Pitch, j'ai un problème. Ah oui, mais par exemple je vous dis voilà, donc c'est un film qui a été tourné l'année dernière, ouais, et donc là il est paru en 1902, donc là il y a Charlie Chaplin qui oui, arrive, voilà. Un truc un peu léger, quoi, un peu benet, un truc un peu subtil, vous voyez, quelque chose qui passe un peu inaperçu. Oui, je comprends très bien. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, alors vous êtes prêts? Bah oui. Alors, est-ce que les auditeurs vont entendre? Cette blague sera faite à chaque attends, fois. Attends, ça, parce que vous me pétez les oreilles à chaque fois. Oh, pardon, je suis désolé. Non, mais là, j'entends rien. Ah, et je vous pète les oreilles quand, du coup? Non, mais à chaque fois. Au son du turfu. Donc, attention. Oui, d'accord. J'essaye de régler ça au mieux. Alors, on rappelle aux éditeurs, on est sur un spécial Noël. Donc, évidemment, le son du turfu va... Un rapport avec Noël. Exactement. Va être en conséquence. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Donc, pareil, je vous passe quelque chose, vous l'écoutez, vous me posez des questions. Alors, vous allez voir, ça n'a jamais été très simple, le son du futur. Hein. Ah, non. Sauf non, ça, en fait je l'ai fait qu'une fois, moi. Oui. Donc voilà. Mais bon, voilà. Donc là c'est pareil, il y en aura trois. Hein. Ah oui, d'accord. Le son du turfu marche par trois en général. Allez, allez-y alors. D'accord. Je suis prêt. Trois sons en rapport avec Noël. Voilà, exactement. C'est parti. 3, 4. C'est... D'accord. On dirait une chanson pour le coup. Un peu métal, un peu. Oula, oui. Oui, un petit. C'est une série M6. Non, non, non. Ah non, mais allez-y, vous pouvez poser des questions ou attendez la fin. C'est un groupe qui utilise beaucoup de sons bizarres, non? Pas forcément. C'est pas le groupe l'important, en fait. D'accord, c'est le nom de la chanson? Non plus. C'est comment pourquoi la chanson a été utilisée? Exactement, c'est ça. C'est elle a été utilisée. Pardon, elle a été utilisée pour un film. Exactement. De Noël? Oui. Non, pas un film de Noël. Un film sur Noël? Non. Mais un film qui fait, où d'une manière ou d'une autre, il y a un rapport avec le mot Noël. L'étrange Noël de... Non. Non, non, c'est pas ça. De Jack et le Haricot Magique. Non, posez-moi des questions. Vous êtes déjà sur la bonne voie. C'est une musique qui est dans un film. En fait, c'est le thème musical du film. D'accord. Un film que vous avez vu, j'en suis d'accord. Sûr. C'est un film, je veux dire, en prise de vue réelle ou un film d'animation? En prise de vue réelle. D'accord. Avec un acteur connu qui est un acteur français. Et c'est un film français, non? Ouais, si, si, c'est un film français. Ouais. Père Noël est une ordure? Non. C'est une comédie un peu? Une comédie, mais un peu glauque. Ah bah, le Père Noël est une ordure, c'était bien, quoi. Ouais, non, mais. C'est bon. Oui, non, non, mais plus glauque que le Père Noël est une ordure. Alors... Un peu dans l'esprit de C'est arrivé près de chez vous, vous voyez? Ah oui, d'accord. Ouais, un peu dark. Et c'est un film des années 80? Le film, alors, le film, il date. Alors là, vous me prenez complètement dépourvu. Non, le film est sorti en 96. D'accord. Film est sorti en 96, ouais, donc vous voyez mieux. Et est-ce que c'est Bernie? Joli! Parce que. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est parce ça. Qu'il a été abandonné, etc. Et... Non, non, bah surtout parce que Bernie comment? Bernie Bonvoisin? Non, non, Bernie Noël, je plaisante. Oui, Bernie Noël. Excellent, joli! Ah oui, d'accord, très bien. Voilà. Mais oui, c'est vrai, la musique. Est... Voilà. Et d'ailleurs, la musique de fin, c'est une chanson de Noir Désir. Ah, peut-être, c'est laquelle? C'est la chanson, c'est. Je ne pense plus à mes parents. D'ailleurs, okay. Il n'avait pas d'enfant. Ah, je la connais pas celle-là. Quel album? Justement, non, c'est pour le film. Ah, juste pour le film. Ouais. Ok. C'est la chanson du générique de fin. D'accord, très bien. Et ben en tout cas, bravo à vous. Vous pouvez remettre ce casque. Non, mais parce que alors vous êtes un vicieux, parce que moi un je m'attendais à un truc genre un bruit de bûche qu'on rentre dans une grosse cheminée bien moite. Et en fait, non, c'est. Attendez, d'accord. Parce que tout n'est pas comme ça. Il en reste encore deux. C'est deux tendus qui baisent. Tortue Noël. Vous savez que j'ai failli la remettre. C'est deux tortues avec un bonnet de Noël. Ça change de son. Hein. Oui. Allez-y, bah, envoyez la sauce, mon vieux cul. 3, 4. Ça baise encore. Hein. Oh non. Ah bah c'est le Brame du Rennes. Oui, Brame mais... du Cerf. Oui. C'est ça ? Oui, mais alors. C'est pas vraiment le Brame du Cerf. Enfin, c'est le Brame du Cerf, mais pas fait par un cerf. Fait par un homme ? Qui oui, imite le cerf. Exactement. L'homme qui est le champion du monde d'imitage de cerf. Oh là là, bravo. Putain, ouais, vous êtes balèze. Bouillard ! C'est l'équipe de... Ah, merci pour ça. C'était le Brame du Cerf que vous veniez de faire. Ok. C'était... Bravo. C'était l'équipe de France d'imitation de Brame de Cerf. Ah, non, l'équipe de France. Non, mais oui, si, c'est ça. Ah, c'est mais très sérieux. Ce que je dis. En fait, il y a une équipe de France d'imitation de Brame du Cerf. Donc, et là, c'était l'équipe de 2015, du coup. Et donc, en fait, chaque année, en Biélorussie, il y a des chasseurs qui sont passionnés et qui se réunissent pour faire un concours d'imitation de Brame du Cerf. Et du coup, c'est un concours qui est juste au niveau européen. Pour l'instant, ça reste une discipline encore un petit peu marginale. Ouais. Et il y a un concours, voilà. Et là, en fait, c'est 27 chasseurs. Donc, en 2015, en tout cas, en Biélorussie, c'était ça. C'était 27 ouais. chasseurs qui sont en provenance de 9 pays européens différents et dont la France qui a participé en 2015. La FFDBDC, quoi. La Fédération Française de Brame de Cerf. Ah, je crois que c'était la Fédération Française. Ah non, trop dur. J'abandonne en cours de route. Donc voilà, 27 chasseurs qui se réunissent et du coup qui utilisent ce que eux appellent des techniques ancestrales ouais. pour imiter le roi des forêts. Mais je savais pas que ça se faisait en France. Et quoi. Bah, c'est pas en Biélorussie, mais voilà. Ouais, la Biélorussie, c'était bien, mais ils auraient mieux fait de garder juste ça pour eux en fait. Non, il faut participer les Français. Voilà. Vous êtes prêts? Dernier son du futur. Il y a combien d'affiliés Bah là, ils étaient 27. Hein. C'est pas énorme, 27 pour un concours européen. C'est pas... En même temps, c'est pas le secteur le plus porteur non plus. Quoi. Bah, franchement, c'est pas mal en vogue quand même. Vous êtes prêts? Troisième bien son. Je suis impressionné parce que, autant les trois, la première fois, le son du futur, on avait galéré pas possible. Là, vous êtes d'une efficacité. Bah, parce que j'ai révisé Noël. Hein. C'est vrai, c'est pas faux. Vous êtes prêts? Bien sûr. Troisième son. Troisième et dernier son. Ah, c'est joli, hein. C'est très très beau. Musique un peu à la cool. Exactement. Donc chanson de Noël, hein. Ouais, complètement, c'est dans le thème. La question, c'est de trouver qui chante. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'est Johnny. Oh là là. C'est une chanson de Noël de Johnny. Parce que vous êtes très très fort. Johnny Hallyday, Noël interdit, 1973. Ouais. Oh, vous êtes brillant. On reconnaît pas trop sa voix. Hein. Non, pas trop, parce qu'il a encore la voix jeune. Mais ouais. Vous savez que ça s'est perdu en France, la tradition des albums de Noël. Mais bah, Tino Rossi. Oui, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de groupes. Ouais, Coldplay qui a fait une chanson de Noël, les Guns N' Roses. Sérieux? Ouais, qui ont fait une chanson de Noël, Mariah Carey évidemment. System of a Down. C'est quelque chose qui marche vraiment, enfin qui se fait beaucoup. Ok. Ouais. Ah ouais, je savais pas, d'accord. Ah ouais. Donc voilà. Donc Noël interdit par Johnny Hallyday. Et pourquoi Noël interdit? C'est raconte quoi la chanson? Pourquoi c'est interdit Noël? Parce qu'en fait, il parle un peu des loubards hein, qui fêtent pas tout le temps Noël. Voilà. Des loubards, comme disait John, ouais. Bah, on est en 1973. Hein, c'est, oui, il y a des loubards, il y a des loustiques. Exactement, c'est ça. C'est très ça. Bien. Il y a des mécréants. Alors là, j'ai cartonné. Alors, vous avez cartonné. Juste pour finir, et puis après, on vous jettera des roses. Anecdote sur Johnny Hallyday. Il s'est déguisé une fois en Père Noël pour faire plaisir justement à ses trois filles. Et c'est Laura Smet, donc sa fille, qui raconte ça dans le magazine Elle. Parce que j'adore ce magazine-là. Oui, et bah, il s'est déguisé en Père Noël et il est resté coincé dans la cheminée. Quoi. Pourquoi hein? Il est passé vraiment par la cheminée? Bah, apparemment, il a essayé. L'article n'en dit pas plus, par la porte, il est vraiment resté coincé pendant plusieurs minutes et ils ont eu peur. Quoi. Ah, voilà. Ouais. Fin du son du Turfu. J'ai envie de dire, mais vraiment, bravo Richie, quoi, vous avez dépoté. Bah écoutez, c'était des bons sons et encore une fois on apprend quelque chose et j'aime cette chanson. Est-ce qu'on pourrait mettre cette chanson sur les réseaux sociaux? Ouais. Je vois qu'en très peu de temps vous devenez très adepte des réseaux sociaux. Bah, je me suis acheté un téléphone portable pas plus tard oui, qu'hier. J'ai entendu ça quand vous m'avez. Oui, c'est parce que l'autre jour j'ai. Alors bon. Allez. On pour en parle. Savoir comment on se rejoignait chez ma grand-mère. Exactement. J'ai appelé mon cher Jean-Bière et j'étais dans mon bain. Alors ça déjà flippant. Bah racontez plutôt vous ce que comment vous avez. Alors moi du coup je ne prends pas de bain à 16h de l'après-midi parce que j'ai un travail. Et c'est moche parce que vous savez très bien que mon travail il commence très tôt et que c'est heureusement que je suis chez moi à 16h. Vous commencez de bonne heure. Parce que quand on commence à 22h30. Faut qu'on est chez soi à 16h, monsieur. C'est vrai. Et du coup, en fait, je reçois un appel donc, de mon cher Richie Booth. Et puis, j'étais au travail, j'étais en call conf. Et bien évidemment. Et du coup, j'écoute le message de Richie. Donc, au début, je n'entends rien pendant plusieurs secondes. Et là, j'entends J'arrive pas à raccrocher. Et en fait, voilà, c'est parce que Richie a un téléphone qui n'est pas forcément compétent, je pense qu'on peut le dire. Oui, c'est blague gras, suivi d'un rire gras. On est combo gagnant. Hashtag grosse tête. Je ne t'appelle pas pour rien. Esprit de Noël, quand tu nous tiens. Voilà, petit canard en plastique. On va continuer, on va faire une petite pause. Ça va nous permettre de respirer un petit peu, de prendre l'air à l'extérieur de la cabane. Et on se retrouve tout de suite avec une rubrique spéciale, puisqu'on avait demandé à des auditeurs de nous envoyer des petits commentaires. Oh oui. Et on a sélectionné un commentaire. On se retrouve tout de suite. Bisous et joyeux Noël. Un peu bourré qu'il le fait le 24 au soir. Un peu bourré. Mais un peu. Bah ouais. Le 24 au soir, mais au mois de juillet, pareil. Hein, il s'est bourré. Le 24 mars. C'est bourré. C'est il s'est gouré tous les soirs pour lui. Ah bah c'est ça. Alzheimer, ça, du bon. Alors, ce que nous expliquions tout à l'heure, là, avant la petite pause, oui, bon, bah ma langue est un petit peu pointeuse. Hein, voilà. Ah, pas la bien. Langue de bœuf. Hein. Oh, très bon. À base de grosse pâteuse. Alors, donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'était ouais. Poppers, oh non, pas encore. C'était que donc la semaine dernière, vous aviez une excellente idée, Jean-Bière, rendons à César pas ce qui est à César. L'émission non, dernière. Ça, je n'arriverai jamais, donc bon, laissez-moi avec ça. D'accord. Je n'arriverai pas. Donc hier, à l'émission d'avant, vous aviez demandé à des auditeurs d'envoyer un petit commentaire. Et sur ces exactement. Nombreux commentaires, on en sélectionnerait un c'est qu'on ça. Diffuserait durant l'émission. C'est et ça. Donc, ce serait libre. Enfin, exactement. On ne sélectionne rien, soyons honnêtes. On ne sélectionne pas par rapport à ce qui est dit, mais au hasard. Oui, et puis surtout, on n'en a eu qu'un, donc il y a un moment, il faut être transparent avec les gens. Les gens ne sont pas bêtes. Je ne sais pas, moi, je ne m'occupe pas de ça. Si on a eu qu'un. Non. On l'a choisi au hasard, c'est tombé sur lui. C'est tombé sur lui, mais justement, on le tient à le féliciter parce que c'est quand même le premier qui... Ah, mais ça nous a fait très plaisir, on va dire. Ouais, en fait, c'est surtout ça, ça nous a fait super plaisir. Donc, on a été en contact avec lui vite fait via Twitter. Donc non, surtout. Merci beaucoup à... Je sais pas, allez-y, nommez-le, vous lancez la chronique, nommez-le. Bon, très bien, je le fais à votre place. Ah, allez-y. Vous êtes timide. Une personne qui s'appelle, en tout cas sur la twittosphère et sur le World Wide Web, Péremptoire. Voilà, c'est ça, Péremptoire. Exactement, Péremptoire. On le remercie ouais, vraiment, sincèrement, ouais. Blague à part, non, parce que c'est très sympa de nous avoir envoyé ça. Ça nous a fait bien plaisir qu'il y ait une réponse, on aurait été un peu triste. Oui. Mais voilà, en plus, il nous a envoyé un... Bon, bah, on va l'écouter tout de suite, oui, mais il nous a envoyé un truc très sympa, vous allez le voir. Voilà, on écoute. Maintenant. Salut Richie, salut Jean-Bierre. Alors je profite de mon court moment entre deux partiels pour vous livrer une petite bafouille. Hein. Alors je sors tout juste d'un oral qui s'est ma foi fort bien déroulé, hein, disons-le. Alors on m'a demandé de parler de moi. Alors quelle horreur, parce que je déteste ça, hein, désolé. Mais bon, je suis péremptoire. Sur Twitter, je fais du podcast depuis quelques années. Alors clairement, je fais des émissions comme je change de chemise. Hein. Mais si vous cherchez ce que je fais en ce moment, concrètement, je suis dans La Cour des Miracles, une petite émission sur l'actu où on déconne, et sur On s'écoute ça tout de suite, un podcast où on parle de musique. Enfin bref, je profite que l'eau de mes pâtes et des knackis sont en train de chauffer, hein, j'ai pas beaucoup de temps, désolé, pour vous parler. J'ai découvert complètement au hasard votre émission via Twitter et c'est ma foi fort sympathique, hein. Vous formez un bon duo, c'est vraiment drôle. Surtout l'un de vous deux qui est beaucoup plus drôle que l'autre, hein, mais bon, je vais pas foutre de la merde. Hein. Non, c'est vraiment bien, donc avouez quand même que Riviera Détente, c'est un petit peu votre référence à vous, hein, non? Bon bref, parce qu'il faut bien que je foute de la merde un petit peu, hein, on m'a demandé de laisser un message. Richie, Jean-Bierre, j'aimerais que vous vous regardiez dans les yeux de manière langoureuse, hein. Que vous vous regardiez dans les yeux profondément et que vous répondiez à ces questions. Quelle est la plus grande qualité de la personne devant vous et quel est le pire défaut? Et bien sûr, comme je vais m'amuser, je vais vous demander de lâcher un gros dossier sur l'autre. Voilà. Bon, allez les gars, continuez comme ça, hein, c'est vraiment cool. Moi, je retourne à mes partiels et puis je vous fais de gros bisous. Salut, j'ai hâte d'écouter la prochaine émission d'ailleurs. Et voilà. Ciao. Voilà, donc merci encore une fois. Merci péremptoire. Oui, très ouais. Marrant, très, bon, très bonne voix, très vraiment. Bon ton. Et du coup, maintenant, on va réagir à ça. Alors, juste avant de réagir, évidemment, on encourage les autres auditeurs de Free de la Station qui aiment, qui apprécient, qui veulent nous faire plaisir et surtout qui, voilà, qui veulent diffuser des conneries à l'antenne comme nous, on peut en raconter par foison. En rappelant qu'encore une fois, c'est totalement libre. Oui, donc péremptoire a choisi de se présenter un petit peu, de nous poser quelques questions auxquelles de faire évidemment sa petite promo. Exactement. Et d'ailleurs, il a eu le nez fin puisqu'il a choisi l'émission qui a le plus d'audience. Exactement. Et voilà. Mais si vous voulez faire un truc un peu artistique, voilà, une poésie, vraiment, c'est parler voilà d'un sujet, nous jouer un morceau de musique avec votre guitare, votre merde, comment ça s'appelle les trucs là. Me laissez pas dans la merde. Guimbarde, ouais, ouais. Guimbarde, la tristesse du mime, heureusement que vous ne le voyez pas, quoi, mais vraiment, c'est filmé. Terrible, quoi. C'est filmé en direct, oui, c'est vrai. Première émission filmée. Bonjour. Et donc, je tiens aussi à remercier Péremptoire, Jean-Bernaud@gmail.com ou alors fruitdelastation@gmail.com pour nous envoyer un son ou un petit fichier audio qu'on diffusera. Allez-y, Richie. Alors, déjà, comme on le disait, merci. La redite. Non. Alors, il a dit déjà une chose qui m'a marqué. Oui. Parce que j'ai trouvé ça pas très sympa pour vous qu'il y en a un qui est plus drôle que l'autre. Donc ça, on le sait. Mais le dire comme ça, le dire comme ça. Rien de remis le couteau dans la plaie. Il y en a un qui est drôle, il y en a un qui rigole, on va pas se mentir, j'en viens. Vous êtes une ordure parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je suis sûr que vous le pensez vraiment. Ah oui, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à Manchester by the Sea. Pour ceux qui l'ont vu, avec vous comprendrez la blague. Le grand frère de Ben Affleck. Petit frère. Exactement. Ben Affleck. Voilà, donc ça, c'était ma partie. Voilà. Moi, j'ai rien à dire à ça. Le crapaud de la bave colombe n'atteint pas le blanc ménil. Terminé, bonsoir. Alors, il nous a aussi demandé de nous... Ah, si, mais si, il nous a parlé, évidemment. Vous l'avez écouté, ce commentaire? Non, mais je l'ai écouté, mais écoutez, je suis très fatigué aussi. C'est vrai, c'est vrai. Non, il nous a parlé, évidemment, de Riviera Détente. Oui, alors, petit notre référence à Riviera Détente. Alors, moi, je ne savais pas ce que c'était. La mauvaise foi. Mauvaisefoi.com. Non, et alors, évidemment, Riviera Détente, on les aime beaucoup. Oui. C'est un peu ce qui nous a mis le pied à l'étrier, ce qui nous a donné un peu le courage de se dire allez, on y va, c'est possible. Après, on trouve ça relativement médiocre. Non. Non, notre rêve, ce serait simplement d'un jour de faire une émission avec Riviera Détente. C'est vrai qu'on aimerait beaucoup aller dans le sud un petit peu. Ce serait un rêve, aller sur la lande d'Aquet. Oh là là, dans la lande d'Aquet, ouais. Avec Patrick, Henri Michel et Raphaël. Et toute les la fine équipe. Et compagnie, ouais. Ce serait vraiment très drôle. C'est vrai qu'on a écouté Riviera Détente et on s'est dit, bah voilà, nous aussi, on n'a pas grand-chose à raconter, mais on peut ça faire leur fera plaisir. Ça leur fera plaisir. Non, vraiment, voilà, c'est un peu ça qui nous a donné... On va pas s'éterniser dessus, mais c'est un peu ça qui nous a donné envie de se lancer, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, avec le jeu des 1000 francs. Et avec le jeu des 1000 francs de Patrick Cohen. Patrick Timsit. Juste pour terminer avec Riviera Podcast, et après c'est voilà, juste dans l'épisode 19, Henri Michel justement fait un appel à lancer des podcasts indés. Qualité sonore, on s'en fout, le fond et tout ça, c'est pas très grave. Juste faites-vous plaisir en enregistrant des podcasts, et du coup, on rejoint totalement ça. Là, on rentre dans les catégories. Je pense qu'on qualité niveau sonore, pas de fond, niveau qualité sonore merdique, on remplit tout, puis on se fait plaisir. Donc voilà, terminé avec. De ma cuisse, s'il vous plaît. Et alors, qu'est-ce qu'il a demandé aussi, péremptoire, de balancer des dossiers? Pire défaut. Il a demandé, donc on vient d'écouter le son qui vient de dire plus grande qualité, plus grand défaut, et en plus de ça, un gros dossier. Je vous laisse commencer, Richie. Bien sûr, allez-y, Richie. Je vais commencer on va commencer par les choses qui font plaisir. Mm-hmm. Donc, votre plus grande qualité, oui. Je dirais que c'est votre gentillesse. Oh, non, c'est vrai. Parce que vous êtes quelqu'un de profondément gentil. C'est vrai. Vous pensez pas à mal. Vous n'êtes pas, vous êtes pas très intelligent. Il faut vous demander de compter jusqu'à 7. Mais un, vous êtes vraiment deux, sympa. Trois... quoi. Et merde. Vous êtes vraiment sympa. D'accord. Votre plus gros défaut, c'est que vous êtes peut-être un peu trop gentil. Quoi. Et ça vous a souvent attiré des petits problèmes. C'est vrai. D'ailleurs, je vais leur raconter une petite le dossier. Donc ça fait partie du dossier. Ça va s'enchaîner particulièrement à ce moment-là. D'accord. Il y a quelques années, avec Jean-Bierre, nous étions en Espagne, tous les deux. Vous vous souvenez ? Oui, c'est vrai. Nous étions en Espagne. Pas très loin de Porto. Et donc, on était sur une plage de nudistes. Oui. On était avec des amis IE. IES de l'époque. IENT, je crois. Et donc, on avait un petit peu bu sur la plage, beaucoup d'alcool, et on s'était endormi sur la plage. C'est et vrai. Donc, nous étions endormis nus. Il faisait très chaud. Et on était tous les trois partis, mais Jean-Bierre était resté dormir sur la plage, et il dormait à quatre pattes à l'époque. Et le problème, c'est que quelqu'un, le lendemain matin, est venu à la plage avec son parasol et l'a planté dans Jean-Bierre. Il était tellement gentil qu'il n'a pas osé dire. Il est resté comme ça jusqu'à ce que la famille termine ses vacances, c'est-à-dire trois semaines plus tard. J'ai eu mal au ventre. Et donc voilà. Et aux fesses surtout. C'est des soucis, quoi. Moi, ouais, et puis ça m'avait fait rater le boulot, hein, pendant trois semaines d'affilée. Je n'avais pas posé c'est autant. C'est compliqué à expliquer aussi, quoi. Ouais. Bah, quand je suis revenu, ouais, non, c'était dur. Bon, en tout cas, merci. Vous avez fait le job. Bien sûr. Voilà. Alors moi, c'est à mon tour maintenant. Alors moi, par contre, je vais commencer par les défauts, parce que je trouve ça bien. C'est qu'en fait, je pense que vous avez dû le remarquer au cours des deux précédentes émissions, Richie Booze utilise énormément le mot, mais c'est insupportable, le mot Netflix. Il parle tout le temps de Netflix. C'est une série Netflix. J'en suis rendu compte. Voilà. En plus, je suis abonné. Moi qui ai la chance d'être abonné à Netflix, le mec a des actions. Et j'en suis rendu compte. Voilà. Moi aussi, tout le monde s'en est rendu compte, Jean-Bierre. Richie, voilà. J'en suis rendu compte. Alors, pourquoi pas ? D'ailleurs, j'en ai pas parlé. Netflix, c'est quelque chose de qualité. J'ai un peu voulu vous lancer là-dessus. Mais ouais, non, ça n'a pas marché. Donc, en fait, déjà, tout d'abord, dans un premier temps, j'aimerais organiser un jeu concours des personnes qui arrivent à recenser le nombre de fois où Richie Booze utilise le mot Netflix dans les deux premières émissions. Celui qui arrive à trouver le nom exact remporte une compile des sons de Richie Booze, justement. Ok, bye. Et pour le défaut, le seul truc en fait qui se passe, c'est qu'en fait, quand Richie Booze utilise le mot Netflix, à chaque fois, il a des gaz. Il a des gaz très odorants. Mais vous êtes fou. Si, non, mais. Enfin, voilà, vous étiez pas rendu compte que vous utilisiez autant de fois le mot Netflix. Si, je m'en suis rendu compte. Le dites pas surtout, hein, parce que ça va encore puer dans toute la pièce. Non. Voilà, votre grand-mère a gueulé la dernière fois. Donc, voilà. Sa plus grande qualité, c'est que quand il utilise ce mot-là et qu'il largue une petite caisse, quoi, qu'il a des flatulences. C'est très Jean-Marie Bigard style, hein, j'apprécie beaucoup. Désolé, préparez ça vite fait. La semaine prochaine. Jean-Bierre vous fera le lâcher de salope. On a bien parlé de la chatte de ma mère à la précédente émission. C'était Pistache qui a eu un petit succès sur les réseaux Pistache. Kikrine, autre tweetos qui nous suit. Bisous Kikrine. Oui, nous en a parlé évidemment. Voilà, à chaque fois qu'il parle de Netflix, il a des petites pépites dans les yeux, des petites lumières. On se croit un peu dans le chapeauté, dans Shrek. Et voilà, ça fait plaisir. D'accord, mais on va me le couper. J'en parlerai plus. Ça sera coupé au montage. Est-ce qu'on a tout gros dossier ? Ah, pardon, j'avais oublié ça, malheureusement. Voilà. Et après, on enchaîne. Alors, gros dossier, il faut savoir que moi, je me suis. Donc, j'ai pas raconté une saloperie comme lui. J'ai donné dans le mignon, dans l'esprit de Noël, j'ai envie de dire. C'est une spéciale Noël. Savoir que Mr. Bruce, quand il était enfant, il avait une mère, évidemment, qui s'occupait beaucoup de lui. Et en fait, sa mère, un jour, l'a déguisé en clown. En clown pour le carnaval. Ça, c'est donc, terrible. Laissez-moi finir. Non. Je vais juste vous interrompre un instant pour la vérité aux auditeurs. C'est qu'évidemment, moi, avec la gentillesse que j'ai, l'histoire du parasol était totalement factice. Ce qui n'est pas le cas de l'histoire. Bah, allez-y, j'en viens. Mais vous... Voilà, donc la mère de Richie l'a mis en clown pour aller à l'école, parce qu'évidemment, c'était jour de carnaval. Donc Richie... Il n'est pas en clown pour aller à l'école tous les jours. Parce que c'était jour de carnaval. Et donc, Richie se rend à l'école tout content de son déguisement de clown qui était assez joli. Sauf que, ben voilà, dommage, le carnaval, c'était le lendemain, quoi. Donc, Richie meurt. Et alors, ça me rappelle énormément l'histoire triste racontée lors de la dernière émission avec le gamin qui va au camping. Ouais. Et j'ai tout de suite pensé à ça quand je suis tombé sur le dossier. Oui, et c'est vrai que donc, j'ai passé une journée avec mon... Oui, débriefer un petit peu là-dessus. Avec donc, le maquillage qui gratte, avec les chaussures du 42 pour faire clown. Et ce qui est terrible, c'est que vu que, en fait, ma mère m'a déposé en voiture et est partie parce que j'avais juste à passer le portail. Ouais. Elle a pas vérifié, elle est partie, ce qui fait que c'est ensuite les dames de l'école qui sont occupées de moi. Et je suis arrivé et j'étais complètement dévité parce que c'est terrible, quoi. J'arrive en clown, personne n'est déguisé, quoi. Oh, mais ça devait être mais la pire journée du monde. Est-ce qu'ils ont, vous ont prêté des habits? Mais ils ont essayé de me démaquiller laborieusement. Ils m'ont prêté des chaussures, mais j'ai gardé le pantalon immonde. Ma mère avait cousu un cœur en plastique sur mon t-shirt. Enfin, c'était. T'es balancé de l'eau là? Non, non, un cœur, une boîte en plastique à bijoux à chocolat. Enfin, c'était vraiment terrible quoi. Oh là là, une pire journée du monde. Et du coup, vous savez que le lendemain, je n'ai pas été au carnaval. Je voulais pas y aller. Traumatisé, que... ouais, normal. Ah, je voulais pas y aller. Vous aviez quel âge à cet âge-là? J'avais 37 ans. Ah, le CP. Non, non, j'avais. Tu vas passer le CP. J'avais 5 ans. Oh là je crois que c'était juste avant le CP, ouais. C'était en maternelle encore. Le CP, c'est 7 ans. Ouais c'est ça. Ouais. Vous, c'est 7 ans, c'est 6 ans. Non. D'accord. Okay, ouais, c'est... Alors, on a terminé pour cette partie. Ouais. Et donc, puisque c'est Noël. Ouais. Jingle. Oh là là. Jingle Noël. Oui. Et donc, on va offrir les cadeaux. Oh non. Vous en avez pour moi, Jean-Bien? Putain, j'ai voulu en acheter, j'ai rien. Bah, moi, j'en ai un, je vais le chercher. Oh non, mais c'est horrible. Ah non, là je dois meubler. Ah mais non. Il était sous le sapin, il avait même pas vu. Tenez Jean-Bien. Oh non, mais j'ai voulu en acheter. Vous savez, attendez, juste, je vais vous montrer mon téléphone. Non, portable. Non, allez-y, ouvrez votre cadeau. Attendez. C'est bon, vous m'avez pas offert de cadeau, c'est bon, j'ai compris. Juste, pour montrer à Richie Boost que je suis pas complètement une ordure, j'ai mon agenda qui est dans mon GSM, là, sous on les yeux. On est tous les deux le soir du 24, dans la cabane de ma grand-mère, vous êtes pas fichu de m'acheter, attendez. Quoi une boîte de Toblerone, un porte-clés, c'est quoi? Ça coûte quoi, Jean-Bien? Vous pouvez lire ce qui est marqué au vendredi 16. Cadeau de Richie. Voilà. Voilà, j'avais marqué. Oui, mais il faut bien le faire. Oui, je sais. C'est pas tout de marquer sur son agenda. Allez, ouvrez votre cadeau, c'est bon. Oh, là, là, ça m'a coûté un bras en plus. Désolé. Bon, alors, attendez, je l'ouvre. On va pas rester fâchés. Il est fâché, beau le paquet ou pas? Oui, le paquet est très beau. Oh, oh non! Oh! Oh oui! C'est une magnifique. Oh, c'est une casquette. Une magnifique casquette Nyan Payeur. À tête de chat. Ah, c'est genre. En fait, c'est Nyan Cat, donc le chat qu'on connaît bien sur internet avec l'arc-en-ciel dans le fion. Là. Bien sûr. Mais en mode Payeur, c'est-à-dire un peu en mode Halloween, quoi. Donc avec apparemment des petites traces de foot, hein, je pense qu'on peut le dire, sur le devant de la visière. Bah, mais ça me fait d'autant plus je plaisir. Je l'ai porté quoi. Pendant un boucaquet. Je vais vous faire un boucaquet à ma mère. Un boucaquet aux olives. Oh là là, donc ça. Oh putain, elle est belle en plus, elle est vraiment belle. Moi je la mets de suite, hein. J'enlève la mienne, je mets celle-là. Oh, elle est bien. Oh, et puis en plus, en mode. Elle vous voit bien. Au top, au top. Très bien. Vous l'avez trouvé où? Bah, j'ai. Non, non, bah, ça se dit pas. D'accord, très bien. Ouais, non, vaut mieux pas. Très bien, d'accord. Oui, ok. Très bien. Et donc, bah, elle sera. Offrez-moi votre cadeau. Elle sera également. Elle bah, sera... le mon cadeau elle maintenant. Sera... Je l'ai. Elle sera également sur les réseaux sociaux. Elle sera également sur les réseaux sociaux pour voir à quel point Richie Booz a bon goût. Tenez, Richie, votre cadeau. Alors, qu'est-ce bon bah ça c'est... y est, on a fait le jingle, on a fait les cadeaux. Voilà. On passe à un peu une vraie chronique. Oui, on passe à une vraie chronique. Les faits divers. Ça, vous m'avez envoyé faits divers. Ouais, sur le conducteur, ouais. Bah, comme avec un très bon jeu de mots, parce que D'HIVER. Très sympa. Fait divers de Noël. Hein. C'était, allez-y. C'était les spéciales. Je vous écoute, mon cher. Alors, comme l'a dit Richie en début d'émission, on ne se voit pas entre les émissions. Donc voilà, on essaye de, on communique par mail. Donc moi, je lui envoie mes chroniques sans forcément plus de détails que ça. Alors, le fait divers, D'HIVER. Oh, je suis touché par ce cadeau. Il est vraiment bien. ça va être un petit peu comme ce que vous aviez fait à la dernière émission, le Quizy Quiz. Ah ouais. On peut envoyer le jingle ou pas? Oui, ah oui, doit complètement. Rester dans les tiroirs. Oui, oui. Mais vous voulez remplacer Noël Quiz dire, Ah oui, on peut faire ça. Ok. Ouais. C'était... Noël Quiz. Noël Quiz. Très bien, parfait. Oh, larme à l'œil. Donc en fait, c'est un peu ça. C'est comme le Quizy Quiz, c'est-à-dire une sorte de vrai-faux. Ouais. De, voilà. Faux. J'ai la même blague que vous la semaine dernière. Problème de temporalité comme Rose dans le Maxi Pigeon. Exactement. En gros, je vais vous sortir des anecdotes donc qui sortent toutes d'articles de journaux. Mmh. Et vous allez me devoir dire si c'est des vraies anecdotes, d'accord, ou des fausses anecdotes. Très bien. Ouais, allez-y. D'accord, parfait. Vous êtes prêts pour la première? Ouais. Il fête Noël ivre dans la rue à 4 ans. Alors ça, en fait, à chaque fois, il y a donc les titres en gras qui sont là pour appâter un petit peu les lecteurs. Et ensuite, ça se développe en quelques lignes. Oui, bien sûr. Voilà. Il fête Noël ivre dans la rue à 4 ans. April, une jeune mère de famille se réveille en pleine nuit et découvre que son fils Hayden n'est plus dans son lit. Panique, Elle part à la recherche du petit bonhomme de 4 ans. Le garnement a été vite retrouvé, errant dans le quartier, une bière le à la main. Le garde-meuble. Le garnement ah. a été vite retrouvé, errant dans le quartier, une bière à la main, habillée en petite fille. La robe, comme la canette, provenait d'un cambriolage, entre guillemets, qu'il venait de commettre dans la maison des voisins. Hayden a expliqué qu'il voulait avoir des ennuis avec la police pour rejoindre son papa qui se trouvait en prison. C'est une belle histoire, c'est en tout cas. C'est quand même une très très belle histoire. C'est terrible. C'est terrible. Et mais à la dire si c'est vrai ou pas. Là, vous devez me dire si c'est vrai ou pas. Je pense que... Je pense que c'est vrai parce que vous êtes un esprit tellement pur que vous n'auriez pas pu inventer ça. Je pense que si vous en avez inventé plus tard, ça va être genre... Oh là là, la dinde de Noël s'est échappée dans le marché. Elle a chié sur l'avocat du village où le chat de la voisine s'est coincé le cul dans la gouttière. Enfin, voilà, des trucs c'est pas très loin de ça, vous allez voir. Eh ben oui, vous avez raison. C'est une histoire vraie. Ouais, c'est une histoire vraie. Ah, c'est triste, c'est très triste. C'est une histoire vraie, mais c'était... voilà, je pensais que vous la connaissiez, celle-là, c'est pour ça. Non, non. D'accord, un petit gamin de 4 ans. C'est très triste. D'accord. Ouais, ouais, non, mais oui, c'est triste, c'est un petit peu triste. Bah, mais... il va pour rejoindre son père en prison. C'est à la fois triste et c'est à la fois... Oui, en effet, mais c'est à la fois aussi... C'est pas triste, un enfant de 4 ans qui boit de la bière, mais je sais pas, mais revoyez vos sens des réalités, Jean-Pierre. Oui, c'est vrai. Vous avez peut-être grandi dans le regardez Nord. Regardez Pasqualino, il a 7 ans. Pasqualino voilà. a beaucoup bu pour le réveillon, on est désolé. Oui, il est intenable, c'est pour ça qu'il ne parlera pas ce soir, mais il a 7-8 ans, vous voyez. On ne connaît pas trop. Est-ce qu'on peut vraiment le... Ah, on va annoncer Pasqualino et ma grand-mère. Oui. Oui, on peut le faire. On va faire une émission un petit peu pour vous présenter un peu tous les gens dont on parle. Voilà, une émission un peu guest. Ouais. Et donc, Pasqualino et ma grand-mère vont intervenir dans l'émission versus, enfin, numéro 4 ouais. de Free de la Station. Versus, FDLS. Pourquoi versus ils ont versus Predator. Ok, très bien. Continuez avec vos faits divers, mon alors, cher. Donc là... Pour l'instant, j'ai perdu. Pour l'instant, vous avez gagné. Gagné. Très bien. Triste, donc pareil, phrase en gras, on continue. Triste soirée pour le Père Noël. Un homme de 83 ans a été retrouvé mort dans la nuit du 24 au 25 décembre dans la cheminée de sa demeure. C'était Johnny. Exactement, non mais franchement, c'est exactement ça. Ce dernier, voulant faire une blague à ses petits-enfants, a voulu descendre déguisé en Père Noël par le conduit de la cheminée. S'inquiétant de l'absence de son mari et n'arrivant pas à le retrouver, son épouse a prévenu la police de sa disparition. Les policiers ont retrouvé l'homme que bien plus tard dans la nuit, étouffé par la fumée et partiellement brûlé, à mi-parcours entre l'entrée de la cheminée et le foyer. C'est sale, hein ? C'est sale et je pense que c'est vrai. C'est faux. Vous avez écrit ça ? Ouais. Ouais, je suis un malade. Non, mais c'est horrible. Non, je me suis renseigné et tout. Non, c'est. Ouais, j'ai été chopé des mots un peu qui. Je suis rassuré aussi que ce soit. Ouais. Non, c'est faux. C'est arrivé. Mais par contre, c'est arrivé à mes parents. Oh. Mon Dieu. Je voulais faire une blague. Et bah comme vous êtes une des petites filles de Johnny Hallyday peut-être. Ouais. Voilà, bah c'est ça. Ça aurait pu arriver. On enchaîne ? Il y en a quelques-unes. Il y en a 72. 12. Très bien. Le Père Noël voit rouge. Entre parenthèses, ivre, le Père Noël sort une arme à feu et braque le vendeur de sapin de Noël. Fermez la parenthèse. Un dimanche matin, au marché de Noël de Bordeaux, PJU, le Père Noël est là, évidemment. Il s'apprête à passer une journée à distribuer des chocolats et poser pour des photos avec des enfants. Mais les choses ne vont pas... Attendez. Ouais. Pourquoi il poserait avec des chocolats ? Non, il s'apprête à passer une journée à distribuer des chocolats. Attendez, pourquoi il poserait avec des chocolats et distribuerait des enfants ? Ça tient pas la route. Ah, c'est faux ! Non, pas du tout. Il distribue des chocolats. Ouais, voilà. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Très remonté contre le vendeur de sapins installé à côté de son chalet, le Père Noël sort une attendez, arme. Attendez. Pourquoi il aurait monté le vendeur de sapins ? Oh, ça va être pénible. Il en a 72, Richie. Laissez-moi en finir une de façon convenable, s'il vous plaît. Les yeux. Non, mais parce qu'il est énervé parce que j'ai pas trouvé de cadeau. Ouais, bah vous avez pas acheté de cadeau. Vous aurez une surprise bien plus tard, vous inquiétez pas. Ouais, bah, le Père Noël sort une arme non chargée et le menace. Forcément, ça fait des ordres. Les policiers ont débarqué et emmené le vieux bonhomme rouge au commissariat. Ils l'ont remis dehors le soir, une fois calmé. Par précaution, les organisateurs ont dû recruter un nouveau Père Noël un peu plus calme. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Vous savez pourquoi ? Non. Parce que c'est à Bordeaux. Et qu'il est tout rouge, quoi. C'est vrai. Et qu'il y a des dérapages toujours à Bordeaux à cause de ça. Non, mais c'est ça. Bravo, c'est ça. C'était vrai. Et parce que c'est connu pour ça, Bordeaux, comme ville Pour le vin, ouais. Ouais. Ah oui, d'accord. Très bien. Et pour Péju. Avant-dernière, vous êtes prêts ? Ouh. Ça se passe en Bretagne cette fois. Je connais un peu la Bretagne. Ouais, bah, on connaît tous les deux la Bretagne. Péremptoire connaît la Bretagne. Course-poursuite entre les forces de l'ordre et le traîneau du Père Noël. Nouvelle péripétie pour la police brestoise. Pardon, j'ai pas compris le mot. Péripétie ? Péripétie. Nouvelle péripétie pour la police brestoise. Oh, désolé. Péripétie, nouvelle péripétie. Nouvelles aventures. Non, je ne l'ai pas. Là. Oh, Richie, nouvelle aventure. Je sais pas. mais c'est le début, laissez-moi finir. Nouvelle péripétie pour la police Brest. Une mobilisation de 5 véhicules de police fut nécessaire pour procéder à l'arrestation d'un jeune homme de 25 ans, semant le trouble dans le centre-ville en circulant sur la voie publique avec un traîneau où étaient harnachés 3 chiens. Non. Il y avait apparemment 2 bergers allemands et un malinois, détail de l'article. Une course-poursuite s'est c'est alors faux. Engagée. Je vous connais. Le long de la route de la corniche. Du malinois. Jusqu'à... Je vous connais tellement. Le coup du malinois. Détail de l'article, oui, bien sûr. Allez, j'en viens, c'est pas vrai. Je me suis cramé. Je suis complètement... Et un malinois, alors je le découvre là, à l'instant. Je viens d'avoir la dépêche. Un malinois croisé Rottweiler. Non, j'en viens, allez-y. Détail de l'article, j'aurais jamais dû dire ça. Eh bien, c'est faux, c'est faux. Il n'y a aucun jeune de 25 ans qui se ramène en train. Mais ça aurait été possible, c'est avec deux bergers allemands, bah, à Brest, tout est possible. Hein. J'avais vu Ivre à Brest, il repeint les policiers en saumon. J'avais trouvé ça génial. Mais bon, c'était moins dans l'ambiance de Noël, quoi. Dernière anecdote. Une boule de Noël coincée dans le vagin, la mère Noël se voit contrainte d'appeler les urgences. À Bourganeuf, petite ville de la Creuse, le SAMU a dû intervenir le 24 décembre au soir pour venir en aide à une bourgagnaude, par exemple, de 47 ans, déguisée en... Détail de l'article. Déguisée en mère Noël, qui s'était amusée, entre guillemets, accompagnée de son conjoint avec les décorations de Noël. Devant cette scène cocasse, les ambulanciers l'ont transférée au plus vite au centre hospitalier Bernard Desplat. Malheureusement, c'est vrai. Car c'est un membre de ma famille. Je peux pas dire plus, c'est mais... Vrai. Virginie Bouze, qu'on embrasse tendrement. Eh, mais c'est très bon, ces faits divers. T'as vu ça ? C'est amené à revenir. Oui. Ah, bah, si vous aimez bien. J'aime bien, pas ouais. Pas de souci, ok. Mais c'était faux. C'est vrai ? La dernière... Vous avez bah, écrit non. Ça ? Oui. Oui, j'ai écrit ça. J'ai écrit ça et l'homme mort cramé dans la cheminée. Et puis le traîneau aussi avec le gamin. Vous en avez écrit 3 sur 5. J'en ai écrit 3 sur 5. Donc vous avez choisi la difficulté. J'ai un peu choisi la difficulté et puis j'ai surtout choisi l'amusement parce que, en fait, je sais pas pour vous, mais en tout cas, écrire des choses sur une thématique précise, donc dans ce cas-là, Noël, j'ai trouvé que c'est. Le Brame du Cerf. Mais exactement, 2015, on encourage la France. Bien sûr. J'ai trouvé que c'était plus simple et du coup, ça m'a beaucoup inspiré. Voilà. La donc, FFDBDC, la Fédération Française de Brame de Cerf, gros. On embrasse, big up. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Mais cette nouvelle chronique. Très bien, mais j'adore, moi, les faits divers. Et si vous aimez ça, je pense que j'en referai sur d'autres thématiques que voilà, je trouverai bien plus tard pour Fruits de la Station. On va se remettre de nos belles émotions avec une petite musique. A tout de suite, les babies. Christmas is in town, your dreams come true, and all your troubles are far on you. The stars are on the moon, the yellow snow, the old man is coming. Voilà. Alors, on est de retour. On est de retour. Exactement. Donc, on est de retour. Richie s'absente 2 petites secondes. Donc là, il s'en va, il part. Diarrhée aiguë. C'est ça. Gastro, mais pas le restaurant. La maladie, malheureusement. Et c'est le moment pour nous d'accueillir l'invité mystère. Donc, l'invité mystère, on l'avait fait à la première émission. Et il revient. Et on a vraiment un grand, grand plaisir à le recevoir pour cette spéciale Noël. Et c'est le Père Noël. Ah, il est là, habillé tout en rouge, exactement comme Thomas Nast l'a décrit, l'a caricaturé la première fois. Alors, ça va, alors Papa Noël, comment allez-vous? Ça va ou quoi? Est-ce que vous avez fait bon voyage? Oui. Oui, c'est... vous oui. êtes venu comment? Vous êtes venu comment? Blablacar? Non. Uber. Comment? Uber. En fait, il faut savoir que le Père Noël a une trachéotomie apparemment depuis l'âge de 12 ans. Parce que je suis très heureux de vous voir, mon petit Jean-Bierre. Mais moi aussi, ça me fait très J'étais plaisir. J'étais en vacances. En prison? En vacances. Ça a dérapé, non? Ça a dérapé. Une sale histoire. Je suis content de te voir, mon petit Jean. Eh oui, moi sais. Aussi, monsieur Laë. Pardon, monsieur, monsieur Noël. Mon cœur. Ça va, vous allez bien? Oui. Oui. Je suis venu pour une raison très particulière. Oh, ah bon? Allez-y, oui. expliquez-nous. J'ai retrouvé... De quoi? La plus belle lettre qu'on m'a écrite. Oui. Et c'est la tienne, Julien. Oh. Quand tu étais enfant. Bien évidemment. Je viens de la retrouver. Et je vais la lire. Oh là là. Je demande à tout le monde de bien ouvrir ses oreilles, ses esgourdes. Les enfants, enlevez votre pantalon, mettez-vous à l'aise. Allez-y, monsieur Noël. Peut-être et je vais retrouver cette lettre. Ah, la voilà. Bruitage de mieux. Je l'ai gardée près de mon cœur. Toutes ces années. Cher Père Noël, oh, je suis très heureux de t'écrire aujourd'hui. Mon premier indice. Danseuse étoile, c'est parti. Je suis très heureux de t'écrire aujourd'hui. Si j'aurais pu t'écrire plus tôt. Oh. Oui, c'est vrai, je faisais des photos. Je l'aurais fait avant, mais j'ai pas pu parce que je viens tout juste d'apprendre à écrire. J'ai bien été sage et je vais sûrement pouvoir passer en CE1 l'année prochaine. J'ai fêté mes 12 ans hier. Mais les copains dans ma classe, ils sont plus jeunes que moi. Et ils disent que 12 ans, c'est trop vieux pour que ma maman, elle m'emmène en poussette à l'école. Quelle ordure. Mais quand je leur donne à manger, ils veulent bien jouer avec moi. Je l'aime, ma maman. J'ai été très sage. J'ai même préparé un joli dessin pour elle. Mais elle m'a dit que les couleurs étaient fades. Et que la perspective était ratée. Elle m'a giflé, puis a brûlé les cadeaux que tu m'avais apportés l'année dernière. Elle a bu le whisky et elle s'est endormie dans le salon sans son pantalon et dans les bras du monsieur qui répare le lavabo. Pourtant, j'avais dessiné sa chatte, Pistache. Je lui fais plein de bisous à sa chatte, Pistache. Enfin, voilà la liste des cadeaux que je veux pour Noël. D'abord, des copains à l'école. Ensuite, une marmite pour préparer du bœuf bourguignon. Et enfin, du beurre. Je te laisse, Papa Noël, car il faut que j'aille voir mon papa à l'hôpital, car il va peut-être enfin avoir un fauteuil roulant pour pouvoir se déplacer. J'ai hâte d'être assez fort pour le pousser, car depuis qu'il a perdu la vue, il ne peut plus se diriger seul. Je t'embrasse tendrement, petit Papa Noël. Jean-Pierre Bernaud, 45 rue des Pendus, rez-de-chaussée, Pouilly-sur-Oise. Cette lettre m'a vraiment touché, mon petit Jean-Pierre. Moi aussi. C'était très beau. Oh, ouais, je m'en souvenais plus. Là, je m'en souvenais plus. Je voulais juste te faire ce petit coucou, mon Jean-Pierre. Oh, ça fait très très plaisir. Très très plaisir. Je te souhaite un joyeux Noël. Oh, merci. Joyeux Noël à Fruits de la Station. Et joyeux Noël à Richie et Jean-Pierre. Ah, il est parti, ça y est. Ça y est. Oh là là. Par contre, c'était touchant. C'était beau. C'est une vraie lettre que vous avez écrite, du coup. Apparemment. Non, je m'en souviens plus. D'un autre côté, voilà, vous aviez. Il avait dit combien? 12 ans 12 ans quelque chose. 12 ans, apparemment. Voilà, bah, vous passiez en CE1. Voilà, moi, ça fait quand même plus de 30 ans. 35 ans quasiment. Donc, ça date un peu. Mais je vois que j'étais. Même à l'époque, j'étais heureux comme maintenant. Mais c'est ce qui compte. La naïveté, la gentillesse, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'avoir gardé cette âme d'enfant. Mais pour la magie de Noël, c'est important. Exactement. Je suis bien d'accord avec vous. Écoutez, mon cher Jean-Bierre, comme toutes les bonnes choses... Oh là là. Oh là là, on va terminer là-dessus, vraiment. On telle aussi une fin. Voilà. C'était une très belle émission de Noël. Comme d'habitude, je suis très content d'avoir partagé ce 24 décembre avec vous. Ça me fait très plaisir. On va festoyer. Ah, oh, mais comme il se doit. Et on souhaite à tous les auditeurs qui, je le sais, seront de plus en plus nombreux, très joyeux Noël, de très bonnes fêtes de Noël. Même si vous n'aimez pas Noël comme Jean-Bierre, vous allez vous amuser parce que Noël, c'est avant tout un Père Noël. C'est avant tout des Pères Noël qui mettent des pantalons de cuir. C'est avant tout des enfants de 4 ans qui se baladent avec une bière à la main. Bah, exactement. C'est tout ça. On embrasse le petit Hayden. Bisous. Bisous à tout le monde. Très bonne soirée. Joyeux Noël. C'était Fruits de la Station. Peace, love. Oh là là, mais c'est dingue, je peux pas raccrocher. Ah! Je peux pas.